Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler technologie de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS de l'Université Laval. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi. Bonne année. Ben oui, bonne année à toi aussi. Et là, je pense que c'est la dernière semaine qu'on peut souhaiter bonne année. Après ça, ça va commencer à être un peu tard. Mais là, aujourd'hui, tout reprend à la normale. Donc, c'est pour ça qu'on peut le faire. Et on reprend à la normale et tu fais un petit tour, finalement, de ce qui se passe ou ce qui s'en vient en général dans les TI. On commence par la modélisation 3D. Oui, ben, en fait, il faut dire, on en a parlé un peu l'année dernière. L'ITIS publie sur son site et sur le site du Carrefour de Québec des petites capsules qui visent à présenter donc des innovations qui sont réalisées à l'Université Laval. À les présenter et à les faire connaître aussi. Et je me suis dit, mais profitons de cette première, de ce retour en onde ici à CKRL pour cette chronique, pour revenir sur les trois derniers textes qu'on a pu placer sur, justement, ce site dans ce contexte-là. Alors, je me suis dit, je vais en lancer quelques brides aux auditeurs, auditrices, en les incitant, bien entendu, à aller faire un tour au www.itis.laval.ca et dans la section Actualité TI, vous allez pouvoir facilement retracer donc nos capsules Innovation TI. De quoi on parle, et tu m'as lancé sur la piste de la modélisation 3D, c'est un laboratoire à l'université qui s'appelle le Laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture qui s'était lancé la question, est-ce qu'il était possible de recréer une expérience de visite d'un lieu, mais de manière virtuelle? Et donc, ils ont été prendre des éléments, images, captures d'objets, photos à la Chapelle des Ursulines à Québec, dans le but de reproduire virtuellement l'expérience de visite qu'on a normalement là, en allant dans cette très, très belle chapelle d'ailleurs. Et ce qu'ils sont rendus compte en faisant cette expérience, c'est que lorsqu'on visite un lieu, c'est vraiment plus que simplement observer l'architecture de l'endroit, c'est vivre le lieu le temps d'un instant, c'est être là. Et donc, nécessairement, si on reproduit une expérience de visite, eh bien, il faut rendre compte de l'héritage humain qui habite ce lieu-là. Donc, de l'émotion? De l'émotion, d'une certaine façon, de l'ambiance, peut-être, de manière un peu plus aisée en termes de transposition. Et je te donne l'exemple, et tu vas comprendre un peu où je veux venir. Donc, à quoi ressemble la visite? Donc, le parcours virtuel commence sous le premier dôme, non loin du Jubé, devant l'orgue. L'ambiance est teintée de chants grégoriens. Donc, on va capturer un peu l'esprit de l'endroit. C'est propice au recueillement. Et ensuite, dans l'application elle-même, donc avec un iPod Touch, le visiteur commande un mouvement, le lieu se déplace, on s'en va un peu plus bas, dans une partie où le chœur où les religieuses en fait assistent à l'office en priant à voix haute, et là, l'oreille entend les voix des moniales. Donc on va chercher aussi encore là des éléments d'ambiance pour appuyer la visite, et c'est comme ça, d'un endroit à l'autre à l'intérieur de la chapelle, donc on essaie de capter l'utilité qui est faite de l'endroit pour aller chercher une atmosphère sonore qui va venir appuyer cette utilisation-là. Donc, ça amène comme une autre dimension à la visite. Voilà. Ça amène une autre dimension à la visite et, évidemment, là, ça permet d'amener une autre manière de préserver et de mettre en valeur un lieu qui existe et donc de pouvoir capter sa substance, son esprit, pour la transmettre de manière interactive au public. Alors ça, c'est une initiative, donc la modélisation 3D de la chapelle des Ursulines à Québec. C'est encore au stade expérimental, donc pour l'instant, on peut simplement en lire, mais on ne peut pas encore la vivre de manière plus élargie. Sinon, Raymond, il y a d'autres sujets dont tu veux nous parler? Oui, mais en fait, quelques autres innovations qu'on peut retrouver dans ces capsules Innovation TI, notamment un croisement assez stimulant entre géospatial et intelligence d'affaires qui a mené au développement d'un nouveau segment de marché appelé géodécisionnel. Donc, on y va avec les définitions. Intelligence d'affaires, c'est un peu les données qui permettent de savoir un peu, d'avoir le portrait d'un marché, le portrait d'un secteur. On peut parler aussi, par exemple, de données qui seraient cartographiques, qui serait statistique. Et le géospatial, ben c'est tout ce qui est données cartographiques, entre autres. Alors, il y a donc un chercheur de l'Université Laval qui s'appelle Yvan Bédard au département des sciences géomatiques qui lui a développé une application qui est maintenant appelée Map for Decision, qui est commercialisée pour sa part et qui cherche à apporter une nouvelle approche à l'analyse de l'information, allons-y avec ce terme-là, parce que de manière générale, on le sait, quand on gère une entreprise, un organisme, un produit, les décisions ne se prennent pas pas à la légère. L'information doit être colligée, étudiée, analysée, visualisée, cartographiée. C'est souvent coûteux en temps et en argent. Et donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'exploiter intelligemment une certaine cartographie interactive dans ce contexte-là. Alors, donc, ils ont été chercher une manière de combiner les données avec une facilité là, jamais atteinte jusqu'à présent, avec des cartes et des représentations statistiques sous forme détaillée. Et donc, c'est un logiciel qui permet aux acteurs d'une entreprise ou d'une institution de visualiser des données sans avoir besoin d'apprendre le langage d'interrogation de données, que ce soit pour la production de cartes thématiques, de diagrammes, de tableaux. Il est possible aussi d'explorer ces tableaux-là, de les forer à travers des vues synthèse, des vues détaillées. Donc, essentiellement, on rentre, par exemple, des données sur l'érosion des berges en Gaspésie. Donc, on va chercher des données sur 50 ans. Et ensuite, moi, je veux voir, mettons, l'évolution générale. Je demande une carte qui me donne l'évolution générale de l'érosion des berges. Je veux m'intéresser à un secteur plus précis, donc sans avoir à recolliger de données ou à repasser du temps à l'analyse. Je change simplement les paramètres de visualisation. Ça me donne, par exemple, l'érosion, mais seulement dans la baie des Chaleurs. Si je veux avoir un comparatif avec, la hausse du niveau des mers. J'ai simplement à rentrer ces données-là sur une cinquantaine d'années et je peux commander des tableaux comparatifs, par exemple, avec la température de l'eau, avec la hausse du niveau de l'eau, etc., etc., n'importe quelle autre donnée qui est à l'intérieur du système et ça, de manière quand même extrêmement rapide, extrêmement précise. Donc, oui, ça sauve beaucoup de temps. Énormément, parce que c'est souvent le problème quand on essaie justement de visualiser ces données-là, c'est que si on décide de changer de mode de visualisation, il faut recommencer à zéro. Et donc, c'est pour ça que l'équipe du docteur Bédard, justement, s'était dit, regardons, on va essayer de trouver une manière de sauver du temps, de sauver de l'énergie pour représenter ces données-là de manière adéquate. Alors ça s'appelle Map for Decision et je vous rappelle toujours sur le site de l'ITIS, vous allez avoir la version complète. Là, je vous en donne les grandes lignes. Il y en a des un peu plus grandes sur notre site et il y a des liens aussi vers des versions un peu plus scientifiques, si on peut dire, de ces présentations-là. Et en terminant, tu nous résumes le projet Kéops. Oui, projet Kéops, un projet qui a pris un peu de retard, il faut dire, malheureusement, avec la situation qu'on connaît en Égypte, c'est qu'en fait, il y a un chercheur de l'Université Laval qui s'appelle Xavier Maldagh, et ça, les gens ont peut-être entendu un peu parler en cours d'année dernière, ça a été largement médiatisé. Lui se posait la question à savoir quelle méthode on avait utilisée pour ériger la grande pyramide de Khéops. Donc, c'est une bonne question, on se la pose souvent. On se la pose souvent, il n'y a pas encore de réponse définitive. On parle encore pour l'instant d'hypothèses. Et il y a une firme française qui s'appelle Dassault Systèmes qui collabore au projet de M. Maldagh, qui... eux ont soulevé une hypothèse qui pourrait s'avérer être la bonne. C'est un architecte qui s'appelle Jean-Pierre Houdin qui dit peut-être que pour monter les blocs, on a commencé par le bas à avoir une rampe extérieure qui permettait de monter les blocs de pierre pour ériger tranquillement la pyramide. Et éventuellement, quand on arrivait peut-être un peu trop haut, on est passé de l'extérieur à l'intérieur pour ces rampes de montage pour pouvoir compléter et fermer éventuellement cette pyramide. Et évidemment, à comparaison avec les rampes extérieures qui ont pu être enlevées après le travail accompli, les rampes intérieures, si elles ont existé, seraient probablement encore là. Et donc, si le docteur Maldagh est en mesure de représenter et de prouver que ces rampes sont encore là, l'hypothèse sera donc avalisée. Évidemment, on ne peut pas non plus facilement démonter les pyramides pour voir comment elles ont été construites. On ne peut pas nécessairement non plus rentrer à l'intérieur pour aller voir. Donc, il faut trouver une manière de voir à travers la pierre pour pouvoir mesurer la construction et les formes à l'intérieur même de la pyramide. Et c'est ce que le docteur Maldagh propose de faire. Donc, lui, en fait, ce qu'il veut... effectuer, c'est avec la thermographie modulée. Donc, de mettre une caméra plusieurs caméras, en fait, sur différents édifices autour de la Grande Pyramide, qui est en zone urbaine. Donc, c'est quand même assez facile de faire ça. Et donc, de mesurer de manière extrêmement régulière la température qui se dégage de la structure, donc de la pyramide. Ça va permettre d'obtenir, donc avec le domaine spectral de l'infrarouge, ça va permettre d'obtenir les variations de température et entre la structure et l'externe, et en la structure elle-même aussi. Et donc, si, exemple, je prends la photo d'un mur, bon, tout le monde a des murs avec des charpentes à la maison, si je prends la photo de la température de ce mur-là, il va y avoir des zones froides qui vont être les trous, il va y avoir des zones chaudes qui vont être la charpente. En fait, il va y avoir une variation de température entre les deux, puisqu'il y a un secteur qui est plein, il y a un secteur qui est vide, donc le secteur qui est plein n'aura pas la même température que le secteur qui est vide. Et donc, si lui prend des mesures pendant un an, à chaque heure de la température de la pyramide, eh bien, il devrait être en mesure de voir comme on sera en mesure de voir à travers nos murs. Donc, s'il y a une variation de température plus froide, donc d'un secteur, mais peut-être que c'est un vide. Et s'il y a température peut-être un peu plus élevée, mais peut-être que c'est un secteur plein. Et donc, avec une mesure sur le très, très long terme, bien, il va être en mesure, lui, de voir, de pouvoir estimer les formes qui seraient à l'intérieur de la pyramide, donc les éléments de construction qui seraient à l'intérieur de la pyramide, et donc peut-être cette rampe d'accès qu'on pourrait y retrouver. C'est sûr que la personne qui a pensé à ça a de la misère à dormir le soir. C'est sûr, ça roule tout le temps dans sa tête. Oui, effectivement, mais en fait, c'est complexe et simple en même temps. C'est l'utilisation d'un processus qui est quand même déjà utilisé à certains degrés, mais utilisé à une complètement autre échelle. Et l'idée à travers ça, c'est aussi de pouvoir amener une certaine forme d'archéologie, mais qui est non destructrice. Donc, l'idée qu'on peut explorer un site, qu'on peut comprendre un site, mais sans être obligé de le creuser ou de le détruire à un certain degré pour le restaurer par la suite. Et dans le cas d'une merveille comme les pyramides, ben c'est tout simplement impossible, dans le fond, de démonter le bout pour voir ce qu'il y a en dedans, puis après ça, de le remonter, ce serait pas acceptable à aucun degré. Non. Donc, nécessairement, il faut avoir ce mode d'exploration-là. Et si je vais avec quelques termes techniques, là, on parle donc de vision infrarouge multipolaire qui va permettre de réaliser un modèle thermique qui va permettre donc de bien saisir la nature de la structure. Alors voilà. On devrait être au courant bientôt de comment on a construit les pyramides d'Égypte. Ça, c'est le projet Khéops. Et d'ailleurs, je rappelle aux gens que toutes les chroniques qu'on fait ensemble, Raymond, elles se retrouvent sur le site de l'Institut Technologie de l'Information et Société. Oui, effectivement, donc au www.itis.ulaval.ca. Et pour avoir les versions écrites de ce que j'ai tenté de vous raconter ce soir, eh bien, je vous invite aussi à aller faire un tour sur itis.ulaval.ca dans la section Actualité TI. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, ils sont aussi sur le site du Carrefour de Québec, donc carrefourdequebec.com. Et il y a une section sur le côté, donc, qui s'appelle Capsule Innovation TI, tout simplement. Et vous serez en mesure de retracer ces différents textes. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se reparle la semaine prochaine.